dégueulasse. Fils de flic. Une année bien entamée. Nous étions au collège privé, tous plus ou moins cancres, obligés d'apprendre, forcés. Jeunes, sans trop de problèmes, vie de collégiens, de collégiennes. Avec mon pote externe, on avait le look grunge, cheveux mi-longs. Parfois on avait des magazines parlant de rock et de crépon. Oui, fils de flic, mais tout le contraire de son père. S'il pouvait ralentir un cours, carrément l'arrêter, le prof n'était pas fier. Un beau matin, la place de mon voisin demeurait vide. La journée me semblait infinie. La journée passa, me retrouvant dans mon lit d'internat, réfléchissant pourquoi il n'était pas venu, et si demain il serait encore de chimie. Cela n'a pas duré longtemps, voyant une copine de classe en sanglots, je suis allé la voir pour consoler ses mots. Et entre deux larmes, elle me dévoila la nouvelle. Le fils de flic s'était fait la belle. Une balle en pleine tête, tel qu'un Cobain. Il avait fait exactement ce que le guitariste avait fait 15 jours auparavant. Ne laisse pas ton gun dans les coulisses, nonchalamment. Ne laisse pas ton gun à ton fils. Fils de keuf. Fils de keuf. Depuis ce jour, je pense à lui.